premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire en partenariat avec France 2 et l'UNESCO à l'occasion du 70e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Tandis que l'émission La Grande Table reçoit ce midi le documentariste William Carrel, auteur pour France 2 de la série Jusqu'au Dernier, et l'historien Georges Bensoussan, et que Sur les Docks vous proposera à 17h un documentaire composé d'archives sur le retour des camps, et bien La Fabrique reçoit ce matin deux invités. L'anthropologue, directeur de recherche à l'IRD, à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, est le premier d'entre eux, et c'est Michel Agier. Il a coordonné un ouvrage collectif sur la forme camp, comme il dit, dans le monde contemporain, un monde de camps. Donc à la découverte, il nous dira pourquoi les camps d'aujourd'hui n'ont rien à voir sûrement avec les camps de la mort, mais aussi ce que la multiplication des camps dit du monde d'aujourd'hui. Puis vers 9h30, l'historien Fabrice Virgili nous rejoindra pour nous parler d'un des justes de la Seconde Guerre mondiale, Raoul Wallenberg, un peu oublié en France, qui tenta en 1944 de sauver les Juifs de Hongrie de la déportation orchestrée par Eichmann. Bonjour Michel Agier. Bonjour. Merci d'être avec nous donc pour ce livre collectif publié à la découverte qui s'intitule Un monde de camps sous votre direction. Et il faut tout de suite avertir nos auditeurs, ce dont nous allons parler n'a pas grand-chose, un peu, beaucoup, pas du tout à voir avec ce dont nous allons parler toute notre semaine, puisque vous nous avertissez dans l'introduction, vous dites « Nous ne sommes plus dans une thanatopolitique des camps », vous dites, même si le camp de la mort hante le mot « camp » justement, et la réflexion sur les camps en Europe, on ne peut pas aborder les camps dans le monde d'aujourd'hui comme des lieux de mise à mort, Michel Agier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les camps contemporains, tels qu'on les a abordés dans cet ouvrage et tels que je les aborde pour ma part depuis une douzaine d'années, part d'une ethnographie urbaine, d'une anthropologie urbaine, de ce que sont les mises à l'écart, créant de nouveaux contextes de type urbain ou proto-urbain, comme on voudra. Et donc, c'est plutôt dans cette perspective-là qu'on a abordé la question. Donc, radicalement, ce sont des camps contemporains qui relèvent plutôt de cet apartheid social, ethnique, voire racial, territorial, dont on parle dans l'actualité. Donc, on est vraiment dans l'actualité, sachant qu'on est plutôt là dans un apartheid global, à mon avis, avec effectivement d'un côté des enclaves dorées, des communautés fermées, et de l'autre côté, effectivement, le développement des camps, et c'est ça qui me semble important, c'est que les camps se développent numériquement, se développent comme forme d'organisation de l'espace et social. Alors, on savait, grâce à beaucoup d'ouvrages, mais également à l'architecte Jean-Louis Cohen, et historien de l'architecture, qui avait coordonné une exposition il y a peu de temps à la Cité de l'architecture sur ce sujet, que l'architecture des camps de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier l'architecture d'Auschwitz-Birkenau, devait beaucoup au mouvement rationnel de l'architecture dans les années de l'entre-deux guerre, en particulier au Bauhaus, puisque un des concepteurs de Birkenau est Fritz Hertel, qui avait pris des cours au Bauhaus avant la guerre, justement. Qu'est-ce qu'il reste, justement, sinon, évidemment, du fait que c'était des centres de mise à mort pour beaucoup d'entre eux, de cette architecture dans les architectures de camps que vous connaissez de par le monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours cette question rationnelle? Je voyais l'autre jour sur Twitter un tweet sur un camp qui doit ouvrir aujourd'hui, je crois, en Syrie, un immense camp ou à la frontière turque, je ne sais plus très bien, qui effectivement est là aussi organisé très rationnellement, mais évidemment pas dans le même but que les camps d'Auschwitz-Birkenau, Michel Agier. Oui, j'ai en tête une réflexion de Hannah Arendt qui dit, plus ou moins de mémoire, « Nous n'avons pas eu besoin de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre que la forme du camp était, depuis bien avant, réservée aux sans-États. » Et elle a développé cette idée des sans-États. Elle a aussi développé une notion pour parler des Juifs, mais pour parler aussi plus généralement des populations rejetées, des indésirables. Et donc, cette forme, il y a une forme d'espace qui correspond au traitement des indésirables ou au gouvernement des indésirables. Et il me semble que ça, effectivement, c'est historique. C'est-à-dire que, encore pour reprendre Hannah Arendt, elle évoquait la mort sociale qui pouvait éventuellement précéder la mort physique. Mais pour ma part, et dans l'introduction du Monde des camps, j'évoque plutôt la disparition, la disparition de l'indésirable, c'est une disparition du monde social dans un écart, enfin dans un lieu d'écart qui est la forme de camp. Et donc il y a effectivement dans différents camps, que ce soit les camps d'étrangers comme on dit en Europe ou les centres de rétention ou les camps de réfugiés ou les camps de déplacés en Afrique ou en Asie, il y a des architectes et des urbanistes et des logisticiens qui sont mobilisés pour rationaliser quelque chose donc, qui ressemble un peu à l'urbanisme fonctionnel, enfin fonctionnaliste. Et de toute façon, vous précisez bien, Michel Agier, dans cette introduction à votre livre Un monde des camps, que la mort sociale des occupants aujourd'hui est réversible, contrairement à la mort sociale qui précédait la mise à mort dans les camps donc organisés par les nazis. Elle est réversible et qu'aujourd'hui, une des questions de ces camps, c'est vivre longtemps et plutôt bien vivre dans ces espaces de relégation, ces espaces de mise à l'écart des indésirables. Et c'est le cœur même de votre ouvrage collectif Un monde des camps, Michel Agier. Oui, je crois que l'ensemble des études de cas qui sont présentées abordent de manière ou d'une autre cette question, qui est une question aujourd'hui, je crois, assez générale. C'est peut-on bien vivre dans une mauvaise vie ? Peut-on bien vivre dans une vie précaire ? Peut-on bien vivre dans une vie d'abandon ? Et cela devient, en termes territorial et démographique, tellement important qu'effectivement, je crois que la question, c'est plutôt l'existence d'un quand j'avais évoqué ça avant, d'un bord de monde et non pas d'un monde complètement en voie de disparition, d'un bord de monde, c'est-à-dire des gens qui sont dans une mise à l'écart et qui reconstruisent des choses. Et donc avec la durée, effectivement, là on a l'histoire propre des camps contemporains. Un jour, peut-être que vous ferez dans quelques années où vous êtes successeur. On pourrait faire de l'histoire contemporaine, extrêmement contemporaine, du temps présent. On commence en 48. L'ouvrage commence en 48 avec les premiers camps, les camps de Nar el Bared et le camp de Shatila, et ça va jusqu'au dernier camp, comme vous évoquez, qui sont actuellement construits en Jordanie ou en Turquie avec les réfugiés syriens. Et évidemment, le camp, si on peut dire, voyez, le centre d'accueil de jour qui a été fait à Calais, a immédiatement provoqué la réflexion de la mairesse de Calais qui a dit, mais c'est pas un centre d'accueil de jour qu'il faut, c'est un camp. Et donc le camp comme solution de mise à l'écart et de gestion de population. Gestion de population est toujours là, si vous voulez. Vous parlez d'ailleurs dans cet ouvrage, le terme est relativement neuf, d'encampement du monde. C'est un beau terme pour parler d'une réalité difficile, parce que, évidemment, c'est la multiplication des camps sur la planète qui justifie qu'il y ait un terme générique que vous ayez créé pour en parler. Plus de 1000 camps, dites-vous, de déplacés en 2014, plus de 6 millions de personnes qui s'y ajoutent d'ailleurs à ces 6 millions de personnes, ces camps auto-administrés qu'on appelle d'un côté des jungles, d'autre côté des ghettos, et qui s'ajoutent encore à ces deux types, les centres de rétention administrative dans lesquels passent des centaines de milliers de personnes. On n'est pas loin de 20 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans des différentes sortes de camps. Parce que là, il y a aussi les camps de réfugiés proprement dit, où on a à peu près 450 camps de réfugiés dans différents pays qui représentent à peu près 6 millions de personnes. Les camps de déplacés qui sont à peu près 1500 aujourd'hui, où on peut compter aussi environ 6 millions de personnes. Les campements de migrants qui sont aux frontières. Les centres de rétention où il y a à peu près à un moment X 1 million de personnes. Donc on n'est pas loin de 20 millions de personnes aujourd'hui dans des camps. Alors, ce nombre fait que vous avez de très nombreux exemples que vous développez collectivement dans cet ouvrage collectif Un monde de camps à la découverte, et qu'une des particularités de votre travail, c'est de tenter de l'historiciser, évidemment, même si vous êtes anthropologue vous-même, il y a cette dimension historique depuis la Seconde Guerre mondiale de la multiplication de ces camps, et aussi de pointer du doigt le fait que ce ne sont pas que des lieux de relégation, ce sont des lieux de vie, et là, vous, d'une certaine façon, vous rejoignez une préoccupation qui sera sûrement la nôtre tout au long de cette semaine, de se souvenir aussi que ces lieux qui étaient des lieux de mort ou de mise à mort étaient aussi des lieux de vie et qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont tenté d'y survivre, qui ont essayé d'y survivre. Et c'est ce que vous racontez à propos de ces camps d'aujourd'hui qui, évidemment, ne conduisent pas à la mort ceux qui y sont et sont souvent des lieux de sauvetage. C'est que ce sont des lieux de vie, Michel Agier. Oui. Ce sont des lieux de sauvetage, mais d'une part qui ne sont pas littéralement liés au sauvetage. Il y a tout un tas de débats aujourd'hui, même jusqu'au HCR, et dans le monde des associations et chez les chercheurs, pardon, pour dire qu'on pourrait très bien sauver des personnes sans les mettre dans les camps. Il y a des formes d'accueil, il y a des formes de prise en charge. Le cas des réfugiés syriens au Liban est tout à fait intéressant de ce point de vue-là, puisque le gouvernement libanais ayant demandé qu'il n'y ait pas de camp, donc les gens imaginent tout un tas d'autres solutions. Ils vont déjà s'installer dans les anciens camps, comme à Chatila, par exemple. Ils s'installent dans les anciens camps, voilà. Ils s'installent dans les périphéries des camps, comme le quartier de Sabra autour de Chatila. Ils s'installent, ils créent des campements, ils s'installent chez les gens aussi. Et c'est là qu'il y a des choses intéressantes. Donc la forme camp n'est pas automatiquement associable à la prise en charge. Et ensuite, effectivement, à l'intérieur de ces camps, lorsqu'ils durent, et il y a les camps palestiniens, mais il y a aussi les camps afghans au Pakistan, où il y a encore 1 600 000 et personnes les camps en Afrique, qui datent de plus de 30 ans, les camps sahraouis, des camps qui se trouvent en Tanzanie, en Zambie. Au Kenya, c'est 30 ans. Au Kenya, c'est 91, c'est 33 ans, 34 ans. Donc ce sont effectivement, comme tout le monde le dit, et j'ai essayé de le systématiser un peu, ce sont des camps-villes. Au bout d'un moment, ce sont des camps-villes. Quand il y a 450 000 personnes qui vivent dans le camp de Dadaab, c'est la taille de Lyon intramuros. Donc effectivement, il y a une gestion, il y a une logistique et il y a une certaine vie qui s'organise avec une petite économie. On ne peut pas dire, justement, ce ne sont pas exactement des villes, parce qu'il n'y a pas une vaste économie urbaine, mais il y a des organisations de l'espace. Les gens ont transformé leur habitat. On voit dans les vieux camps, on voit beaucoup plus rarement des tentes et on voit beaucoup plus des maisons en pisé, en branches, en paille, etc. Voire en parpaing comme à Beyrouth, par exemple. Absolument, voilà, évidemment. Et puis on voit tout un tas de réorganisations familiales qui s'est faite et des gens qui s'installent. Moi, j'ai estimé à peu près qu'au bout de 2 ans, les gens ont compris qu'ils n'allaient pas repartir et qu'il fallait donc imaginer la vie là où ils sont. Jusqu'à ce que des réfugiés comme un, j'ai rencontré en Guinée, un réfugié libérien qui avait écrit un panneau sur à l'entrée de sa case. C'était écrit « Chez moi, c'est là où je vis ». Et donc, c'est pour ça que l'idée de l'encampement, elle est double. Si vous voulez, l'encampement, c'est les politiques qui consistent à mettre les gens dans des camps. On n'avait pas le terme en français qu'il existe, c'est le terme anglais « encampment », qui dit la politique qui consiste à mettre des gens dans des camps. Et puis, l'encampement, c'est aussi faire campement, c'est-à-dire s'installer et ne plus partir de là où on est finalement, en rendant réversible la situation, en disant c'est un lieu dans lequel nous avons recréé des liens, recréé une certaine inscription territoriale, et c'est chez nous. C'est toute l'ambivalence, dites-vous, des camps du XXIe siècle. C'est d'être à la fois des lieux d'attente, puisque tout de même, beaucoup de gens espèrent à un moment ou à un autre repartir, donc l'attente du retour, l'attente de s'installer ailleurs, et en même temps l'obligation d'en faire des lieux de resocialisation, de nouvelles vies, de nouvelles communautés, puisque généralement, vous le racontez bien, et c'est ce que racontent aussi tous ceux qui participent à cet ouvrage collectif, eh bien, les gens qui arrivent là arrivent souvent seuls, souvent peut-être en petit noyau familial, mais ils ne sont pas accompagnés de l'ensemble de leur communauté de village. Évidemment, les processus de migration ont fait qu'on a été séparés des siens, et donc on se recrée dans cet espace-là, une nouvelle sociabilité, des nouveaux amis, une nouvelle communauté, d'une certaine façon, Michel Agier. Oui, c'est ça, exactement. C'est on défend beaucoup et les études de cas appuient cette idée-là. C'est-à-dire, on a souvent une vision des réfugiés, et notamment des camps de réfugiés, lorsqu'on veut parfois en faire des lieux qui feraient peur, en disant que ce sont des lieux de minorités qui préparent quelque chose, qui préparent un retour. Alors, c'est une manière de voir les choses. Les camps sahraouis, d'une certaine façon, sont une préfiguration imaginaire de ce que pourrait être la République sahraouie. La République sahraouie. De même pour les camps karen. On peut dire que les camps karen sont sont une forme de préfiguration de ce que serait le monde ou le pays karen en Birmanie. Évidemment, l'exemple palestinien est très fort. Mais si vous prenez par exemple l'exemple palestinien où on a cette idée du retour, et donc le camp est un lieu sacrificiel, c'est-à-dire ce lieu-là où l'on vit, le camp, il n'existe pas puisque nous attendons tous le retour. Nous avons la clé, vous savez, la symbolique de la clé du lieu perdu. Très bien, mais aujourd'hui, on en est à la troisième génération, deuxième ou troisième génération, avec des gens qui sont tout aussi engagés, politisés, qui, eux, tiennent un autre propos qui consiste à dire c'est ici que nous vivons et c'est ce lieu-là que nous voulons être reconnus à occuper. Et donc, il y a un autre problème politique qui est là vis-à-vis autant des Israéliens, de l'armée israélienne que de l'autorité palestinienne qui consiste à dire le lieu de la politique et le lieu de la vie, c'est le lieu du camp qu'on transforme. D'autant, Michel Agier, que se créent de nouvelles cultures. Dans ces camps dans lesquels on s'installe pendant plusieurs générations, et que cette culture allait métisser, différente, et qu'au bout du compte, comme vous avez pu le noter, dans les camps de la Mano River, du côté du Liberia, du Sierra Leone et de la Guinée, il y a quelque chose qui est en train de se créer là, qui ne correspond pas, entre guillemets, aux cultures d'origine, parce que le temps a fait son œuvre, parce qu'on y a croisé dans ces lieux-là des gens qui venaient d'ailleurs, et qu'au bout du compte, quelque chose est en train de naître. Oui, c'est exactement ça. Et j'ai même, de manière un peu polémique, mais aussi très, très, pourquoi pas programmatique, proposé qu'on pourrait imaginer dans ces régions-là de nouvelles aires culturelles, pour reprendre un terme de l'ethnologie classique, parce que les gens ont eu des parcours de 15 ou 20 ans qui est passé par le déplacement, donc l'exil, qui est passé par plusieurs camps. Si vous faites les itinéraires de vie des gens qui sont rencontrés dans un camp en Guinée en 2003, 2005 ou 2007, où j'ai pu aller, vous avez vu des gens qui sont passés par 5 ou 6 camps déjà. Donc, ils y ont passé une longue partie de leur vie. Ils ont appris de nouvelles manières d'habiter des lieux, de construire de reconstruire des abris, d'habiter des lieux. Nouvelles manières de manger pour être dans les aspects de la culture matérielle, les nouvelles manières d'habiter, nouvelles manières de manger, d'apprentissage d'autres langues, éventuellement d'apprentissage d'une espèce d'anglais, d'une sorte de globiche, comme dit Barbara Cassin, et puis le contact avec des Blancs qui sont dans une figure à la fois compassionnelle et très autoritaire, en réalité, sur comment on doit penser ces lieux-là, et donc qui sont à la fois dans la continuité coloniale ou post-coloniale, et qui sont à nouveau, et je parle de l'Afrique là en particulier, mais aussi de l'Asie, des nouveaux Blancs occidentaux qui viennent et qui dominent la situation et qui veulent définir la situation. Et là, on a à la fois de la continuité historique, mais alors qui relève beaucoup plus des rapports Nord-Sud plutôt que de l'histoire européenne, et puis une transformation permanente incroyable qui crée effectivement quelque chose comme de nouvelles cultures, voire de nouvelles aires culturelles. Alors, ce qui est fort intéressant dans cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, Michel Agier, c'est d'y voir en particulier certaines des préoccupations qu'ont pu avoir à d'autres moments des historiens, des anthropologues, des ethnologues, et en particulier que ces lieux de relégation, puisque ce sont des lieux de relégation, vous dites que ce sont des lieux pour gérer l'indésirable. Parfois, Michel Agier, ces lieux de relégation n'ont pas de nom la plupart du temps. Enfin, ils ont des noms pour les organisateurs du HCR, du Haut Comité aux Réfugiés, de l'ONU, des associations humanitaires qui viennent régulièrement les encadrer. Mais elles n'ont pas le nom au niveau international. Et vous dites, en fait, un ouvrage comme celui-ci, qui est un ouvrage collectif qui donne les noms de certains, je sais pas, il y en a quoi, une quinzaine, une vingtaine dans l'ouvrage. 25 comme point de départ des réflexions. Voilà, qui donne des noms, eh bien, c'est aussi pour nommer et pour dire il y a là des lieux qu'il ne faut pas oublier, et ces lieux-là, ils ont un nom et ils vont devenir un nom. Dans... Alors évidemment, pour d'autres raisons, Sabra et Chatila sont restés des noms, mais pour des raisons qui sont des raisons historiques. Mais la plupart de ces camps sont des camps qui ne sont pas, d'une certaine façon, entrés dans l'histoire, Michel Agier. Oui, j'ai dit qu'il faut rendre les camps célèbres, comme Hannah Arendt avait dit dans les années 50. Ce dont souffrent tous les réfugiés, quelle que soit leur classe sociale, c'est l'absence de célébrité. Non pas au sens des people, mais au sens d'être connu, que son nom soit connu. Quelqu'un dont on connaît le nom a plus de chances de s'en sortir que quelqu'un qui est anonyme. Et c'est un peu ça, ce projet d'ailleurs, de dire les noms et de partir, chaque chapitre part d'un camp en particulier, et à partir de là développe une analyse régionale ou thématique. Et c'est vrai que... Naël Barret, Maëlla, Meheba, Dadaab, bien sûr, ce sont des lieux qui sont des lieux déjà pérennes, qui sont comme des villes, qui sont parfois inscrits dans la durée et bien souvent qui n'apparaissent pas sur les cartes nationales, puisque souvent, pour beaucoup, ou bien on considère, dans le cas des camps déplacés, que ça n'existe pas, c'est des regroupements de populations qui n'ont pas de nom, mm-hmm. ou bien on considère que c'est des concessions que les États font à des organisations internationales pour abriter des réfugiés. Une sorte de territoire hors sol, d'une certaine exactement, façon. C'est de l'extraterritorialité. Donc ça, on ne le met pas sur les cartes. Donc c'est le cas de Dadaab, qui est un... 450 000 habitants, c'est-à-dire bien plus que l'ensemble des habitants du département dans lequel Kenya, il se trouve, au Kenya, voilà, mais qui n'apparaît pas sur la carte du pays. Quoi. Voilà, et on pourra citer Corail Canaan à Haïti, Khartoum au Soudan, Pavarando en Colombie, ou d'autres lieux comme ça qu'on peut parcourir grâce à vous et à tous ceux qui ont collaboré à cet ouvrage, Michel Agier, dont je rappelle le titre « Un monde de camps », la collection La Découverte. Il nous apparaissait utile d'ouvrir une semaine consacrée au 70e anniversaire donc de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau, par une sorte d'actualisation de ce qu'était ce mot de camp aujourd'hui dans le territoire contemporain qui est le nôtre. Merci encore Michel Agier d'être Merci venu à, vous. À notre invitation dans cette émission. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Un extrait donc de l'Auschwitz-Lied de Camilla Mohope. On n'est pas sûr d'ailleurs du nom de cette personne. On parle parfois de Camille Spielbicher ou de Margot Bachner. Donc on sait qu'elle fut d'abord déportée à Auschwitz et ensuite à Bergen-Belsen, où elle a composé justement ce Lied d'Auschwitz qui est inspiré d'une mélodie donc allemande de Camilla donc Mohope qu'on vient d'entendre. Deuxième partie de notre émission du jour. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour. Vous avez conçu cette semaine avec nous, dont cette semaine sur le 70e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau en particulier. Et nous avons toute une semaine que vous allez déployer en fin d'émission tout à l'heure. Mais nous commençons cette semaine avec en particulier Fabrice Virgili. Fabrice Virgili qui est historien. Bonjour Fabrice. Bonjour. Virgili. Et qui a coordonné avec Annette Wiewiórka, qui sera notre invitée mercredi, hein, Raoul Wallenberg, Sauver les Juifs de Hongrie. Raoul Wallenberg, ça dit quelque chose vaguement dans l'imaginaire collectif, mais beaucoup moins précisément que bien d'autres noms de la Seconde Guerre mondiale, Fabrice Virgili. Pardon. Oui, en tout cas en France. C'est vrai que c'est un nom qui est très connu dans certains pays. En Suède, bien sûr, parce qu'il est suédois, en Hongrie, mais aussi aux États-Unis. Et j'ai envie de dire un peu partout dans le monde. On pourrait dire que c'est presque devenu un héros global. Mais un héros global, vous voulez dire à la hauteur d'un Mandela ou quelque chose comme ça, enfin. Oui, dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que c'est quelqu'un. Il y a des timbres qui ont été produits à son effigie, des statues dans toute une série de pays et de nombreuses statues. Il est, c'est particulièrement exceptionnel, citoyen d'honneur des États-Unis. Alors comme ça, ça ne dit peut-être rien, mais il n'y en a que 7 dans l'histoire. C'est le deuxième après Churchill et les autres, c'est Lafayette, par exemple. Donc c'est vraiment un nombre très, très restreint, un honneur immense. Et en France, non, finalement, il est resté très méconnu parce que cela concerne plus l'Europe du centre, du nord. Et la France a, j'ai envie de dire, ses propres héros et il est resté à côté. Anaïs Kien. Oui, d'ailleurs, au rez-de-chaussée à Berlin du Musée du Mur, il y a une toute petite pièce qui est consacrée à Wallenberg avec toutes les pièces du dossier. C'est une pièce muséographique absolument atroce parce qu'il y a du texte partout. Ah oui. Et c'est une pièce qui évite soigneusement les touristes parce que d'abord, elle n'est pas très sexy. Et puis ensuite, parce qu'on ne connaît pas ce juste. Alors, c'est souvent des historiens étrangers. D'abord, il y a peu d'Allemands qui visitent encore ce musée. Mais on a la sensation qu'il y a une résistance française à l'idée de ces justes qui sont pourtant panthéonisés depuis 2007, mais dont on connaît à peine les noms. Tout à fait. C'est-à-dire que les justes de France sont plus de 3900, je crois, aujourd'hui, ont été panthéonisés. Il y a le mur des justes à côté du mémorial de la Shoah. Mais c'est plus l'idée d'une action que des individus particulièrement identifiés. Alors que Wallenberg, comme Oskar Schindler, mais pour des raisons différentes, sont aujourd'hui mondialement connus. Ils font partie des tout premiers. Hein. Ceux qui sont élevé à la dignité de juste en 1963, Oskar Schindler quelques mois avant Raoul Wallenberg, mais ils font partie, eux, au contraire, d'individus dans lesquels on peut s'incarner, que l'on va qualifier de héros, et non pas simplement d'une action collective. Alors, nos auditeurs qui connaissent Raoul Wallenberg suivent très bien ce que vous êtes en train de dire, Fabrice Virgili. On n'a toujours pas dit qui il était, d'où il venait. Bon, on a compris qu'il venait de Suède, et on n'a pas très bien compris ce qu'il venait faire dans cette histoire des camps. Quelle est cette histoire de Raoul Wallenberg ? Alors, c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable, finalement, parce que c'est vrai que Wallenberg, le nom n'évoque pas grand-chose au public français. Mais il faut savoir que la famille Wallenberg, au-delà de Raoul lui-même, est une des grandes familles, si ce n'est la grande famille capitaliste suédoise. C'est un peu l'équivalent des Schneider. Oui, mais on pourrait rajouter tous les autres. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est un tiers du PIB. Plus... Ouais, voilà, et depuis le milieu du 19e siècle, cet empire n'a cessé de croître et se développer. Donc ce n'est pas une famille parmi d'autres en Suède, c'est la grande famille de capitaines d'industrie et de banquiers suédois. Et puis il y a Raoul Wallenberg qui naît en 1912, qui est théoriquement destiné évidemment à rentrer dans la lignée des Wallenberg, mais son parcours personnel va finalement faire que, plutôt que s'intéresser aux affaires, il va s'intéresser à l'architecture. On parlait d'architecture tout à l'heure, qu'il va partir aux États-Unis faire des études d'architecture. Et il n'est, je ne dirais pas le vilain petit canard, mais il est clair que pour le reste de la famille, ce n'est pas lui qui prendra la succession de l'empire Wallenberg. Mais bon, voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le laisse un peu tranquille. On le laisse tranquille, tout à fait. On le laisse faire quelques affaires. Il voyage beaucoup. Hein. Des gamins, adolescents, il va faire des séjours linguistiques. Dans les années 30, il va faire des stages. On fait déjà des stages dans les années 30, même quand on s'appelle Wallenberg. Il va faire des stages en Afrique du Sud. Il va faire des stages en Palestine, ce qui n'est pas anodin. Il va fréquenter la bonne société européenne. Et puis, il va finalement intégrer une société commerciale en Suède. Alors comment va-t-il devenir ce héros que vous avez décrit, Fabrice Virgili, dans le courant de la guerre et plutôt même à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque là on s'intéresse à l'année 1944. Quelle est la passion qui va le saisir, en particulier cette passion de vouloir sauver les Juifs de Hongrie? Qu'est-ce qui se passe dans cette année 44 qui justifie l'action de Raoul Wallenberg? En fait, ce qu'il se passe, c'est que la communauté juive de Hongrie, qui à ce moment-là est forte de 700, un peu plus de 700 000 juifs qui se trouvent en Hongrie, c'est-à-dire dans les frontières de Trianon, donc la Hongrie qui a pu, grâce à son alliance avec l'Allemagne nazie, agrandir ses frontières, est la dernière grande communauté juive d'Europe qui, jusque-là, a été épargnée. le régent Horthy, qui était allié de Hitler au pouvoir en Hongrie, pour aussi des raisons de souveraineté, voulait finalement garder la main sur ces juifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de persécution, bien au contraire. Plusieurs lois antisémites sont faites en Hongrie dès 1938, mais une communauté, on va dire, à peu près intacte jusque-là. Et à partir de mars 1944, Hitler fait envahir la Hongrie. On a cette situation très particulière d'un allié occupé. Horthy est toujours au pouvoir, mais la Hongrie est désormais occupée. Alors, pour différentes raisons, l'avancée, finalement, des troupes de l'armée rouge, et la crainte que la Hongrie, comme pourrait le faire et va le faire aussi la Roumanie, pourrait basculer. Toujours la crainte du basculement d'alliance. Et donc, pour assurer la Hongrie, l'armée allemande envahit la Hongrie. Le 19 mars, deux jours après, Eichmann arrive avec un plan prêt de déportation et d'assassinat des Juifs de Hongrie. Anaïs. Et c'est la vitesse d'ailleurs et l'ampleur de ces déportations des Juifs hongrois qui frappe dans cette histoire, dans ce contexte dans lequel Wallenberg va arriver. Oui, parce que pour avoir une idée, en un mois et demi, entre le 10 mai et le 7 juillet, donc en deux mois, 420 000 Juifs de Hongrie vont être déportés à Birkenau et assassinés. Donc on est sur un rythme absolument effroyable, de 12 000 Juifs qui arrivent chaque jour à Birkenau sur la Bahnramp, qui a été construite exprès pour cela. Ce qui s'appelait avant la Judenramp, c'est-à-dire la voie ferrée, a été prolongée pour arriver le plus près des chambres à gaz, pour avoir, on peut utiliser ces termes-là, un rendement de mort plus efficace. C'est une organisation qui est faite pour assassiner le plus rapidement possible les Juifs de Hongrie. Comment Raoul Wallenberg, suédois, donc, a-t-il vent de ce qui est en train de se passer? Et sans rentrer dans les polémiques qui ont eu lieu il y a quelques années au moment d'une pièce de théâtre et d'un ouvrage de Yannick Enel autour de cette période-là, justement, qui sait ce qui est en train de se passer? On est quand même, rappelons-le, en 1944, au printemps 1944. Qui sait ce qui est en train de se passer, justement, dans cette... ce moment de déportation des Juifs de Hongrie vers Birkenau. À ce moment-là, on sait. C'était au moment du début de la déportation. Vous avez des articles qui paraissent dans la presse américaine. Le New York Times. Le New York Times, disant « on commence l'assassinat des Juifs de Hongrie ». Donc, la communauté juive de Hongrie, en tout cas ses responsables, sont au courant. Les États-Unis sont au courant. Et c'est justement, Wallenberg va être la personne la plus... va se trouver au mauvais ou au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire qu'il a un carnet d'adresses, il connaît la Hongrie, il connaît l'Europe, il a des entrées aussi bien en Allemagne qu'ailleurs. Et le War Refugee Board, qui a été créé en janvier 1944 par Roosevelt, tout à fait, à condition que cela ne trouble pas le déroulement des opérations militaires, mais là, le débarquement n'a pas encore eu lieu en Normandie, va essayer de trouver la bonne personne pour intervenir et essayer de faire quelque chose. Anaïs. Ce qui est passionnant dans cet ouvrage sur Raoul Wallenberg, c'est de se rendre compte à quel point... c'est de se rendre compte du volume de négociations possibles malgré tout, malgré cette situation. Négociations de la part des diplomaties étrangères, des pays neutres, des alliés, mais également des administrations juives qui tentent de sauver au maximum ces juifs. Alors parfois, ils ne les sauvent pas de la déportation, mais ils tentent de choisir un autre camp, c'est-à-dire de ne pas aller directement à Auschwitz, d'aller dans des camps d'échange, d'aller dans les camps de travail. Voilà, tout est négociable finalement dans ce moment paroxystique de la fin de l'occupation allemande. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est peut-être le plus surprenant dans ce moment-là, c'est que d'un côté, on a quelque chose d'implacable qui est la logique de mise à mort des Juifs de Hongrie et l'organisation par Eichmann, et donc ces convois qui ne cessent de partir de Hongrie vers Birkenau. Et ça va concerner, et l'essentiel des Juifs qui n'habitent pas Budapest, le district de Budapest, ont été effectivement assassinés. Et à côté de ça, effectivement, des possibilités de jouer à la marge, non pas d'empêcher la totalité de l'assassinat, mais de jouer à la marge, de jouer sur la corruption, sur les lenteurs bureaucratiques, sur les contradictions, sur le déroulement de la guerre. L'armée rouge approche, et chaque fois un peu plus. Budapest est bombardée début juillet par les alliés, par les Américains. Donc, toujours ce risque de basculement de la Hongrie de la part des nazis. Et donc on voit qu'à travers ça, finalement, un homme neutre Et pas seul, hein, c'est le cas aussi des Suisses, il y a même un... Il a une équipe de près de 300 personnes. Voilà, il y a une équipe. Lui n'est pas le, on disait à l'époque, ministre pour ambassadeur. La Suède est un petit pays, donc le titre, c'était ministre. Il n'est pas le ministre de la Suède à Budapest. Il est à la légation et il a pour mission, financée par le War Refugee Board, c'est-à-dire avec de l'argent américain, d'essayer de sauver le maximum de Juifs qui restent à Budapest. Avec cette particularité, c'est que quand il arrive, la déportation s'est interrompue, deux jours avant, justement, pour des raisons... disons, de rapport de force, le régent Horthy, qui a encore, à ce moment-là, un peu son mot à dire, bloque, met fin à la déportation, donc il y a une interruption. Ça ne veut pas dire que le sort des Juifs qui restent à Budapest est sauf. Ils ont été mis en ghetto. Tim Kohl, dans l'ouvrage, montre comme cette organisation de la mise en ghetto. Les croix fléchées sont de plus en plus importantes, vont être au pouvoir avec Salazi en octobre, mais évidemment, il y a les pogroms antisémites. Donc, la situation, ils ne sont pas sauvés comme ça. Et donc, il y a encore la possibilité d'agir quand on est un Suédois neutre à ce moment-là. Alors, justement, vous dites un Suédois, vous avez travaillé, Fabrice Virgili, sur un autre Suédois devenu ou redevenu célèbre ces derniers temps, à savoir Raoul Nordling, donc, qui était consul de Suède à Paris et qui, dit-on, a sauvé Paris, en exagérant peut-être un peu son rôle au moment sauver les Parisiens. Voilà, sauver les Parisiens. Donc, en tout cas, ça pose une question. C'est quelque chose qui est assez peu étudié en histoire. C'est le rôle des nations neutres dans ce conflit, en particulier dans ces moments dont Anaïs disait que c'était des moments paroxystiques, ce moment du printemps 1944 où on déporte des centaines de milliers de Juifs de Hongrie vers Birkenau. Eh bien, quel est le rôle, justement, de la Suède, d'une institution ou d'un pays neutre, comme cela, Fabrice? C'est vrai, quand on travaille sur la guerre, a priori, on pense d'abord aux nations en guerre et pas aux pays neutres. Il a fallu longtemps pour qu'on commence à s'intéresser aux pays neutres et que les pays neutres eux-mêmes s'y intéressent. Les travaux remontent aux années 90-2000, que ce soit en Suisse ou en Suède. Cet ouvrage est d'ailleurs issu d'une journée d'études que vous aviez co-organisée à l'Institut suédois à Paris en 2012. Tout à fait, avec l'ambassade de Suède à ce propos. Parce que la question, c'est finalement, qu'est-ce que ça veut dire rester neutre dans la guerre pour un État? Et une sorte de bonne conscience suédoise qui a pu exister pendant plusieurs décennies a été quand même troublée, justement, à partir du moment où la Suède, dans le théâtre européen, a été amenée à intervenir pour des interventions humanitaires ou dites humanitaires dans l'ex-Yougoslavie, et où il y a eu tout un questionnement sur, d'accord, vous êtes resté neutre, mais à quel prix? Au prix d'avoir laissé passer des troupes allemandes revenir de Norvège, au prix d'avoir jusqu'en 1945 vendu l'essentiel de la production, et la Suède est un grand pays industriel, à l'Allemagne nazie, jusqu'à ce que les Alliés disent à la Suède et au gouvernement suédois, maintenant, il faut que vous choisissiez, parce que si vous continuez, on vous considérera comme un adversaire. Donc il y a tous ces tiraillements, et au sein de la société suédoise aussi, un courant plutôt pro-allemand, voire pro-nazi, et au contraire un autre largement anti-nazi, mais qui se neutralisait. Et donc la question de la Suède à la fin de la guerre, c'est comment finalement faire accepter d'être resté neutre, donc hors de la guerre. Et c'est vrai que certains de ces Suédois qui vont intervenir, vous avez cité Raoul Nordling, Wallenberg, il y a aussi Folke Bernadotte, qui va faire la fameuse opération des bus blancs, qui va permettre de sortir 15 000 déportés des camps de concentration vers la Suède, vont intervenir, pas forcément comme des émissaires directs du gouvernement, c'est toujours un peu des francs-tireurs, sauf qu'ils ne tirent pas, ce ne sont pas des combattants, mais qui vont jouer de leur carnet d'adresse. Ce sont des hommes d'affaires, ils ont le soutien à la fois et le passeport diplomatique d'un État neutre, ce qui les protège, donc ils peuvent aller à Berlin. Ces hommes voyagent beaucoup dans l'Europe en guerre et l'Europe occupée. Anaïs, on a une impression évidemment fausse, puisque tout ça parle aussi des réseaux de diplomates, des réseaux aristocratiques, des réseaux administratifs, une impression de bidouillage finalement, avec toutes ces ambivalences liées à la continuité de relations commerciales entre les États, à la continuité de relations diplomatiques, à l'enjeu de ces pays qui restent entre les pays ennemis. Et finalement, on a l'impression que l'argument humanitaire est devenu l'argument qui défend et qui masque finalement toutes les raisons de la neutralité de ces pays. Alors là, on parle de la Suède, mais on pourrait aussi parler de la Suisse. Je crois que le Salvador est engagé aussi dans cette politique de protection des Juifs à Budapest, etc. Oui, les Juifs hongrois vont se retrouver avec la nationalité salvadorienne, ce qui les sauve. Mais pour reprendre le mot de bidouillage, c'est vrai qu'on peut avoir effectivement ce sentiment-là, parce que là, on est vraiment sur une discussion, une négociation. Il s'agit d'essayer d'arracher à la mort ou à la déportation un certain nombre de juifs de Hongrie. Et c'est vrai que Wallenberg ne va cesser d'essayer d'intervenir. Alors parfois, il va corrompre pour obtenir satisfaction. Parfois, il va utiliser des arguments plus politiques ou géostratégiques. Mais il ne va cesser de le faire en essayant d'utiliser tout le registre de possibilités qu'il a entre ses mains. Il n'a pas non plus un pouvoir extraordinaire. Donc il va... Mais il a une observation très fine, finalement, de cette situation pourtant chaotique. Oui, écoutez, je ne sais pas s'il a une observation très, très fine. En fait, je crois qu'il a surtout quelque chose qui va devenir une obsession au cours des quelques mois qui va passer en Hongrie, c'est-à-dire d'intervenir à peu près de toutes les manières. Il a sûrement une conscience des rapports de force, de jusqu'où il peut aller ou pas, de ce qui le protège ou pas. Il croit finalement être quand même protégé par ce statut. Alors, à la fin, dans la période de l'hiver, quand vraiment Budapest est pratiquement assiégé par l'armée rouge et que les croix fléchées font régner la terreur, il commence là réellement à être inquiet. La légation est attaquée, il a un revolver éventuellement pour défendre. Mais il joue là-dessus. Il a dans son carnet d'adresses, qui est au musée de l'armée à Stockholm, il y a le numéro de téléphone d'Eichmann. Parce qu'un homme comme ça, et c'est pour ça qu'il se trouve là, parce qu'un homme comme ça a le carnet d'adresse qui va lui permettre d'agir sur les différentes ficelles possibles. Alors, au bout du compte, est-ce qu'on sait combien, si c'est mesurable d'ailleurs, Raoul Wallenberg a pu, entre guillemets, sauver de Juifs de Hongrie et de Budapest en particulier? Est-ce que c'est d'ailleurs chiffrable? Est-ce qu'on peut imaginer? Parce qu'évidemment, on sait le nombre de convois qui sont partis, mais on ne sait pas ceux qui devaient partir et qui ne sont pas partis parce qu'il a agi. Qu'est-ce qu'on en sait de cela, Fabrice Virgili? Alors, on sait le nombre de Juifs qui n'ont pas été assassinés, puisque 430 000 ont été assassinés, plus de 100 000 si on prend les frontières de la Hongrie actuelle ont été sauvées. Alors parfois on va trouver ce chiffre, Raoul Wallenberg a sauvé 100 000 juifs, mais ce n'est pas qu'une action individuelle, c'est-à-dire que Raoul Wallenberg, il agit, mais avec d'autres personnes. Donc faire le décompte de savoir ceux qu'il a, lui, sauvé ou d'autres. Et puis l'autre question, c'est qu'est-ce que c'est sauver ? Il sauve effectivement des juifs, il peut empêcher un convoi de partir à un moment, et ces juifs vont se trouver ensuite assassinés par des croix fléchées. Il les a sauvés sans aucun doute, mais ils n'en sont pas moins morts. Donc c'est vrai qu'il y a toute une discussion. On va dire que le chiffre de 100 000 est un peu le chiffre hagiographique. Les travaux montrent que l'effet direct par la naturalisation, par la possibilité de faire sortir un certain nombre de juifs de Hongrie, par la protection, c'est surtout le papier suédois qui va sauver ces juifs. On est plutôt autour d'un ordre de grandeur de 10 000. Anaïs. Et Raoul Wallenberg n'arrivera pas à se sauver lui-même, d'ailleurs, puisqu'il va tomber dans l'oubli, en tout cas va être arrêté par les soviétiques et disparaître, comme ces disparitions un petit peu typiques et mystérieuses de la guerre froide, c'est-à-dire qu'on apprendra seulement des dizaines d'années plus tard qu'il est mort dans des geôles soviétiques sans pouvoir être sauvé par son pays. Oui, alors en janvier 1945, l'armée rouge rentre à Budapest et finalement sauve les juifs de Budapest, qui sont encore là, parce que là, il est clair qu'il n'y aura plus ni pogrom, ni déportation. Mais cette arrivée, pour Wallenberg, elle est tragique, puisqu'il va, dès le premier jour, dès le 17 janvier, être interrogé, arrêté et exfiltré. On retrouve sa trace à l'Efortovo, à la prison de Moscou, en mai 1945. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il disparaît. Va commencer à la fois un mélange de silence, mais en même temps, en Suède, ça va devenir une question de plus en plus pressante. Sur qu'est-il devenu Wallenberg ? C'était quand même, justement, comme je le disais tout au début, un personnage d'une des grandes familles. Qu'est-il devenu ? Que fait le gouvernement suédois pour le récupérer ? Et on ne saura qu'après la chute du mur, suite à trois commissions d'enquête, dont une commission d'enquête suédo-russe, ce qu'il est advenu, c'est-à-dire qu'il est mort effectivement en 1947 à la Loubianka, même s'il y a encore un certain nombre de personnes qui pensent qu'il n'y a pas la preuve réelle. Pour vous donner un exemple qui devient presque cocasse, Les archives du KGB disent avoir retrouvé par hasard en 1990, tombant d'une armoire, les effets Verzelen de Wallenberg. Bon. La version officielle soviétique date de 1957, c'est Khrouchtchev qui délivre la copie du certificat médical disant que Wallenberg est effectivement mort d'une crise cardiaque en 1947 à la Loubianka. Mais est-ce qu'on peut comprendre pourquoi les soviétiques lui en voulaient tant au point de l'exfiltrer, de l'enfermer et de le faire mourir dans les geôles soviétiques 2 ans après l'avoir enlevé donc à Budapest, Fabrice Virgili? Alors, ça reste c'est un difficile. Des points sur lesquels beaucoup des intervenants de ce colloque et de ce livre discutent. Et les papiers de Jungfeld et Johann Matz sont là pour montrer comment il y a toujours aujourd'hui une discussion sur chacun de ces aspects. A-t-il été le voisin d'un tel à telle prison ? Ce qui est d'ailleurs assez intéressant dans ce livre, c'est de voir comment les historiens qui y participent tentent de se débarrasser de cette rhétorique du mystère pour faire de l'histoire. Exactement, parce que c'est vrai que le mystère et ne pas savoir s'il est mort ou pas est resté en tout cas une question essentielle. Quand il est fait citoyen d'honneur des États-Unis, on ne sait pas s'il est mort. Donc il est peut-être encore dans les prisons soviétiques. Et quand on voit que c'est fait, enfin russe, puisque les États-Unis en font un citoyen. Donc c'est un moyen de pression aussi dans la guerre froide, la fin de la guerre froide, pour éventuellement obtenir sa libération. Et quand on veut inaugurer en 1949 une statue à son effigie à Budapest, eh bien, le gouvernement pro-soviétique de l'époque l'a fait enlevée, voilà. La veille de son inauguration, et elle ne sera réinaugurée que 50 ans plus tard, en 1999, une fois le mur de Berlin tombé. Exactement, parce qu'à ce moment-là, on voit clairement que Wallenberg devient un personnage de la guerre froide, est un enjeu entre l'URSS, la Suède pays neutre, le camp occidental, et c'est une autre histoire dont lui ne maîtrise plus rien, qui devient celle de Raoul Wallenberg. Merci Fabrice Virgili. Je rappelle que vous avez co-dirigé avec Annette Wiewiórka l'ouvrage Raoul Wallenberg, Sauver les Juifs de Hongrie, publié dans la bibliothèque historique Payot. Une façon d'ouvrir notre semaine consacrée donc à cette histoire des camps à l'occasion du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Anaïs Quin, demain, vous nous proposez un documentaire dans un camp français, en l'occurrence. Il n'était pas français pendant la guerre. Il n'est pas français à ce moment-là, mais le Struthof, qui se trouve donc en Alsace, à 50 km de Strasbourg, Alsace annexée à l'époque, donc ce camp est sur le territoire du Reich, et pas sur le sol français. Il l'est aujourd'hui, effectivement. C'est un des camps moins connus que les autres, pourtant un camp européen, puisque plus de 30 nationalités, des partisans de plus de 30 nationalités européennes, d'Europe occidentale essentiellement, y passeront, puisque ça n'est pas un camp d'extermination, c'est un camp de concentration. Même s'il y a une chambre à gaz, c'est ça ? Et oui, on expliquera ça demain, justement. C'est de là vient la confusion. Il y a une chambre à gaz, il y a des fours crématoires pour des expériences qui ont été faites sur un petit nombre de juifs, bien trop évidemment, plus de 85 juifs qui ont été exterminés là-bas à des fins d'études, de recherche et de conservation anatomique. Alors donc, on peut écouter ce documentaire à partir de demain dans La Fabrique de l'Histoire. Vous nous proposez un petit extrait de ce documentaire qui parle ? Il s'agit de Pierre Rollinet, donc un ancien déporté qui a été interné au camp du Struthof pendant 3 ou 4 mois à la fin de l'année 1944. On n'est plus des gens normaux. Il faut un certain temps pour rentrer dans la vie. Je suis resté, moi, un an sans travailler parce que physiquement, j'étais vraiment touché. Après votre libération ? Après la libération, je suis resté un an, j'ai repris mon travail après. Et même 3 mois après être rentré, je me suis marié, donc au bout d'un an, je me suis marié parce que j'avais besoin aussi de revivre, de rentrer dans la vie normale. Et comment vous avez vécu financièrement pendant cette année où vous n'avez pas travaillé ? Ben ça, c'est mes parents qui se sont occupés de moi. J'étais donc célibataire et mes parents m'ont pris en charge parce qu'on n'était pas pris. Non, j'ai fait une erreur. J'aurais dû rentrer à l'usine 2 semaines et puis me mettre aux assurances. Bon, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Bon, j'ai essayé donc de me sortir psychiquement de cette ambiance de camp, de penser à autre chose, de revivre différemment. Et j'ai le cas de mon responsable, moi qui m'avais donné ma fausse carte. C'était un pasteur. Celui qui vous avait recruté dans la résistance. Qui m'avait recruté dans la résistance, que je connaissais très bien, et qui est rentré. Et il a commencé à faire des conférences. C'est que lui, il ne s'est jamais arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Il est resté dans l'esprit qui éveille. Il racontait tous les 2-3 jours. Il faisait des conférences. Et au bout d'un an, ben, il s'est suicidé. Il s'appelait comment? Buchenschütz. Parce que, oh oui, on peut le dire, tout le monde le sait. Hein. C'est ça a fait assez mal. Hein. Quel âge il pouvait avoir? Oh, 30 et des années. 30, peut-être 32, 33 ans. Ouais. Et la dernière fois que je l'avais vu, il m'a dit « je n'ai plus confiance en l'homme ». Voilà donc un extrait de ce retour Struthof que vous nous proposez avec Françoise Camard, Anaïs Quien, demain. Et puis mercredi et jeudi, nous continuons notre semaine. Voilà, après s'être intéressé au système concentrationnaire mardi, mercredi, nous parlerons du retour et de la question des réparations, donc une histoire matérielle du retour des camps. Et jeudi, à la représentation de la libération des camps à travers une discussion sur la découverte par les opérateurs soviétiques, donc les images soviétiques, de la libération des camps. Ça sera donc le débat de jeudi. Tout cela donc dans cette semaine. Je rappelle que la grande table tout à l'heure donc nous proposera une discussion avec d'un côté William Carrel et de l'autre côté Georges Bensoussan, et que toute la collection de Sur les docks de cette semaine est consacrée aussi à cette question-là du 70e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Donc avec aujourd'hui en particulier à 17h dans la collection Témoignages 1945-1946 en France, le retour des camps à travers les archives de l'INA, et puis on continuera demain avec une question fort importante aussi. Comment peut-on conserver les camps de la mort? Un documentaire de Dominique Prusak et de François Test tourné donc à Auschwitz-Birkenau. C'est donc toute cette semaine dans Sur les docks, en même temps que la fabrique de l'histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Jean-Frédéric était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également la télécharger pendant un an après sa diffusion. Et surtout, comme vous l'avez fait la semaine dernière pour notre semaine spéciale, n'hésitez pas à nous parler, à nous écrire sur ce site de franceculture.fr ou encore à discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou à nous suivre sur le réseau Twitter.